Bonjour messieurs, mesdames, personnes non binaires. On va faire aujourd'hui un petit essai de podcast écriture. C'est-à-dire que je suis actuellement, et depuis 6 mois, de rédiger Biomasque, donc espèce de d'encyclopédie scénario pour Milvaux. C'est un travail un peu solitaire, hein, je dois avouer. Ça me manque de partager ça. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir, ni quand ce sera fini. Et donc, je voulais essayer de partager avec vous des instants d'écriture. Donc là, on est parti pour 3 quarts d'heure d'écriture. Donc sur Biomasse, vous allez voir un petit peu quel est mon processus. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à le dire un peu en commentaire, quoi, histoire que je vois si je prêche dans le désert. Ou non. Donc, on va aujourd'hui travailler sur donc le scénario monde en cours. Il s'agit de la noire mémoire de l'œuf. La noire mémoire de l'œuf. Le règne des Korax. Dans la fumée des champs de bataille, au-dessus des arêtes et des cimes éternelles, la bouche et le bec, l'aile et le bras, l'amour, la haine et la naissance, la noire mémoire de l'œuf prend racine dans les viscères du temps. Donc voilà, c'est un scénar. Ah, j'ai perdu toutes les flèches. Bon, je vais le noter plus tard, refaire les flèches. C'est pas grave, j'ai un modèle. Faire les flèches. Il faut que je fasse tout de suite une sauvegarde de mon arborescence parce que si jamais je refais imprimer dans un fichier, page 3. Hop, et du coup, dans ma macro, je vais noter de faire une sauvegarde de l'arborescence à chaque fois, parce que grosso modo, un scénario monde, ça suit donc une arborescence. J'ai fait avec des petites flèches entre des cases sur Word. Enfin, je travaille plus exactement sur la version LibreOffice de Word, donc qui s'appelle Writer. Et c'est pas très stable. C'est-à-dire que visiblement, de temps en temps, je perds mes flèches. Donc, j'ai une macro biomasse. On va mettre en clapet 1 sur Word. Ouvrir PDF. Faire impression en PDF de la page de l'arborescence. Page 3. Voilà, donc quand je travaillerai sur les autres modules, la première chose que je ferai, c'est d'imprimer cette arborescence, enfin ces flèches, en avoir une copie de sauvegarde, parce que visiblement, si je travaille sur le Word, ça les perd. Donc, dans l'arborescence, j'ai déjà écrit Naissance d'un Korax. Alors, c'est un scénario monde où on peut jouer soit du point de vue des Koraks, soit du point de vue des humains. Donc, les Koraks, ce sont des change-formes hommes-corbeaux. Donc, j'ai déjà écrit La Naissance d'un Korax. Le chapitre 2, c'est une vie en accéléré, donc la vie des Koraks. Et ensuite, quand ils atteignent leur puberté, eh bien, ils sont sommés de se choisir une voie philosophique. Donc, ce sont les voies Koraks. Au début, j'avais prévu juste de donner la liste des voies philosophiques, et puis on choisissait une pour son Korax. Et puis, en fait, je me suis dit, bah, pour être vraiment fidèle à l'esprit de monde scénarisé, je vais plutôt scénariser en fait l'initiation à chaque voie Korax, c'est-à-dire qu'en fait, il y a possibilité de rencontrer des Korax qui vont nous mentorer vers une voie ou une autre. Et donc, j'en suis à la voie de l'extase. Donc, je vais recopier la voie de l'extase. Alors, bien fou sur les Korax, il croit. Ok. Pour fuir un danger ou trouver la quiétude, vous prenez refuge dans une antique bibliothèque au livre Mangez au vert. Vous y rencontrez un ou une Korax en train de compulser les tomes. Écoutez-vous l'enseignement de cette personne? Si oui, CF révélation. Numéro 7. Donc bon, ça je le fais pas, je le fais qu'à deux, je fais pas souvent parce que ça fait du boulot en plus. Mais là, grosso modo, il y a un côté mystère, c'est-à-dire que si tu peux ne pas écouter ce Korax qui est en train de compulser les tomes, et dans ces cas-là, tu n'accéderas pas à la révélation, quoi. Donc un petit côté, livre dont vous êtes le héros. Alors la révélation. On va donc dans les annexes dédiées aux révélations. Hop. Numéro 7. Voici son premier enseignement de la voie de l'extase. Bien fou serait le Korax qui croit connaître la destinée de sa race. Bon, je vais mettre son espèce, hein, parce que sa race, bon, bah, c'est un peu raciste, quoi. On va dire que espèce, c'est un peu plus précis de façon biologique aussi. L'espèce est trop jeune pour savoir ce qu'elle doit être. Donc, là, comment? Votre mentor, murmure des phrases de pouvoir qui déclenchent le réveil de vos mémoires. Et provoque un reflux de souvenirs ancestraux sur les 200 dernières années jusqu'à la chute de la civilisation humaine et la création des Koraks par le bouc noir. 1000 chevreaux. Voilà, comment vivez-vous cette déferlante de révélations? Donc là, en fait, voilà, on fait une anecdote un petit peu pour illustrer le fait qu'on comprenne que l'espèce est jeune, et aussi on a cette révélation quand même qui n'est pas précisée de tout le temps, hein, que ben voilà, les Koraks ont été créés par le bouc noir aux 1000 chevreaux. Je vais mettre si par la suite vous voulez en savoir plus sur le bouc noir aux 1000 chevaux. Allez à la révélation. Et ben du coup là on va l'amener à prendre connaissance. On peut aller du coup se renseigner auprès du Korax qui a la fameuse voix liée au bouc chevreau, la voix du bouc. Donc on va mettre révélation numéro 8. Allez à la révélation numéro 8. Voilà, je tiens beaucoup à ce que ce soit très enchevêtré en fait, qu'on puisse, bon, il y a une arborescence principale, mais qu'on puisse faire plein de navigations un peu chaotiques. Donc, je mets beaucoup de liens entre différents éléments du scénario monde et de l'encyclopédie même, quoi. Là, j'ai hésité, hein, j'aurais bien voulu, je me serais dit, allez à révélation numéro 8, ouais, ou carrément, allez, carrément, on va dire qu'on peut le chanter. Et aller carrément à la au scénario monde ni on ni bête, acte D, rencontre avec le bouc noir en 1000 chevreaux. Donc tu vois, on a carrément la possibilité d'aller à ce qui constitue un climax d'un autre scénario monde. Pardon pour l'éternuement. Alors, voici le second enseignement de votre mentor. Il faut d'abord étudier toutes les coutumes des animaux et étudier toutes les coutumes des races sentientes. Quand les Koraks seront plus instruits que n'importe qui, alors ils pourront déterminer ce qu'ils sont eux-mêmes. J'aime bien couper en trois enseignements, donc la dernière partie, je mettrai en troisième enseignement. Donc, il faut d'abord étudier toutes les coutumes des animaux et étudier toutes les coutumes des races sentientes. Quelle scène insolite impliquant des animaux ou des espèces sentientes, votre mentor vous emmène observer. Si vous souhaitez particulièrement approfondir votre étude, jouer le scénario monde faune. Donc, scénario monde faune est consacré aux animaux, hein, ou le scénario monde de Goupil à Bruneau, qui lui est consacré aux goupils et aux grours, donc justement d'autres. Ou le scénario monde. Ouais, peut-être pas enclave, mais. Ouais, le scénario monde ni homme ni bête, hein, qui est dédié au Korax. Pas au Korax, au Horla, quoi. Hein, parce que, voilà, on est dans cette logique qu'il part vraiment étudier les autres espèces sentientes, se faire un avis sur elles. Ou l'acte. Ou sinon, on peut aller vers parmi les humains, donc en se mêlant aux humains. Donc, ça, c'est un élément du scénario monde sur les Koraks. Alors, parmi les humains, c'est l'acte 4. Cette initiation peut être, comme vous le voyez, elle peut être expédiée vite fait ou être carrément l'objet bah, d'une campagne, vraiment un chemin de vie du personnage. Bon, bien sûr, ça va beaucoup dépendre, je pense, si on joue en multi ou en solo, quoi. Parce que si je joue en multi, c'est compliqué peut-être de jouer tout un scénario monde juste pour approfondir l'initiation de un personnage, quoi. Après, on peut aussi dire que tous les personnages partent sur la voie de l'extase, hein, c'est tout à fait possible, hein. Voici son dernier renseignement. Quand les Koraks seront plus instruits que n'importe qui, alors ils pourront déterminer ce qu'ils sont eux-mêmes. Votre mentor vous emmène assister à une réunion houleuse entre les Koraks de différentes voix. CF annexe les secrets des Koraks, parce que du coup dans cette annexe toutes les voix sont présentées, hein. Quels sont les représentants des deux voix les plus vindicatives ou les plus... Ouais, c'est ça, les plus remarquables. Après avoir participé à ce cénacle, voilà, pensez-vous rejoindre l'une de ces voies ou restez-vous sur la voie de l'extase? Voilà, donc on a fait l'initiation à la voie de l'extase et donc il reste une initiation, la plus darkos, qui est la voie du bouc. Donc la voix du bouc. Eh bien, je pense que ça mériterait de commencer par un sabbat au milieu des bois. Quel corax que vous connaissez depuis longtemps ou peu, vous entraîne avec un regard mystérieux dans les méandres de la forêt. Yel vous prête un masque de bois. Pour assister au sabbat des sorciers et des sorcières autour du feu du sacrifice. Participez-vous au sabbat? Si oui, CF révélation numéro. Bon, vous avez compris que j'essaie d'être un petit peu inclusif et tout, et puis éviter, autant que faire se peut, hein, c'est difficile hein, bien sûr, mais éviter les clichés sexistes. Donc c'est pour ça que je dis le sabbat des sorciers et des sorcières, hein, pas le sabbat des sorcières, donc je vais essayer d'éviter le cliché des sorcières nues autour du feu, c'est pareil, j'ai pas précisé. Si les sorciers et les sorcières étaient nus autour étaient nus, je pense que le lecteur, la lectrice pourra se faire ben, en fait sa propre opinion. J'estime que c'est pas à moi de le dire dans ce cas précis-là. CF Révélation. Alors, participez-vous au sabbat, je vais juste mettre assistez-vous au sabbat, c'est un peu plus neutre, un peu moins engageant. Hein, au début, de toute façon, je pense que le mentor essaie juste voilà, de tester la curiosité du personnage. Donc, tu dis c'est bon, je ne suis pas obligé de danser ou quoi, je vais juste regarder, voir ce qui va se passer. Ok, on va sur cette petite révélation. Au pinacle du sabbat, alors que les fumées hypnotiques vous font tourner la tête, votre ami propose de vous enseigner la voie du bouc. Voici son premier précepte. Les Koraks, ce sont les servants du bouc noir aux 1000 chevreaux. Ils sont ses enfants favoris et ne doivent jamais le nier. Écoute. Votre ami vous propose de le croire. Bah, de croire ceci sur parole. Ou d'aller à la rencontre du bouc noir. Si vous acceptez cette deuxième proposition, voilà, jouer l'acte. Eh ben bon, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités de rencontrer le bouc noir. Parce que je pense que le choix des voies, c'est vraiment le moment où on va effectivement explorer le fait que les Koraks, eh bien, sont une création en fait de Shub-Niggurath. Voici donc. Ce qu'on n'est pas forcément censé savoir au départ, quoi. Sauf si on a lu. Alors, quand on commence le scénario monde, on a la possibilité de lire une annexe qui donne un petit peu tous les secrets des Koraks. Mais si on n'a pas lu, et on n'est pas obligé de la lire, eh bien, on n'a pas cette révélation-là, quoi. Donc, c'est intéressant justement d'avoir la révélation en jeu. Donc, voici son deuxième précepte. Alors là, je vais inverser les préceptes parce que normalement c'est écrit. Ah ouais, faut vraiment que j'inverse. Parce qu'en fait, il y a une présentation, si tu veux, normalement des préceptes qui est correcte en fait quand on présente la voix d'un coup. Mais là, comme moi, l'idée c'est que voilà, le mentor, il va introduire les préceptes un à un, et j'ai envie de dire, il commence du moins choquant au plus choquant, quoi, évidemment. Donc, je trouve que le moins choquant, c'est dire que, voilà, les Koraks, c'est les enfants de Shub-Niggurath, ce qui n'implique pas vraiment de le suivre, de le... De le servir quoi. Donc on va juste dire sur le premier enseignement, je vais inverser, je vais faire comme ça, c'est que juste les Koraks sont les enfants du bouc noir aux 1000 chevreaux. Voilà. Déjà c'est bon, c'est quand même c'est une black pill hein, entre guillemets quoi. C'est déjà important quoi d'apprendre ça. Et donc le deuxième précepte c'est on va dire il ne faut pas nuire à Shub-Niggurath. Voilà. Alors que normalement c'est carrément dit à la fin, là c'est plutôt on va le mettre en deuxième. Voilà. Nuire à Shub-Niggurath est un péché capital. Et là, on va nous emmener dans une mission, mais qui est acceptable, quoi. C'est, par exemple. Votre mentor vous propose d'aller aider des maltronches. Oh, mais des humains mutants. D'aller aider des humains mutants qui sont voilà pourchassés par leurs congénères purs, quoi. Acceptez-vous et bah, y parvenez-vous, quoi, hein. Y parvenez-vous sans dommage. Donc là, on part carrément une petite, ça mène sur un petit scénario où, bah, enfin, un petit scénario, une petite histoire où on va aller effectivement aider des humains mutants qui sont pourchassés par leurs congénères purs. Voilà. Voilà. À l'issue de cette expérience, voilà, votre mentor explique que ces mutants sont au même titre que vous, voilà, des enfants du bouc noir et que en voulant les combattre, les humains dits purs commettaient un péché et qu'il fallait les en empêcher. Jusqu'à présent, tu dis ça va, j'ai fait quelque chose de plutôt cool. Voilà, entre guillemets, j'ai juste sauvé des mutants, quoi. Donc, effectivement, je comprends que dans ce sens-là, faut pas nuire à Shu-Niggurath, c'est-à-dire il faut pas nuire en fait aux éléments impurs, mutants et tout. Voilà, il faut pas nuire aux mutants, quoi. Voici enfin son troisième enseignement. Les Koraks sont les enfants favoris de Shu-Niggurath. Et ne doit jamais le nier, servir Shu-Niggurath. Et la plus haute destinée possible. Votre mentor propose alors une drogue permettant de revivre la naissance des deux premiers Koraks. Voilà, engendré par la chair putride du bouc noir aux 1000 chevreaux. Alors que vous reprenez vos esprits et revenez au temps présent. Je vais mettre l'acceptez-vous ou comment dire vous, voilà, vous éloignez-vous de votre mentor si vous l'acceptez. CF révélation numéro 9. Bon, c'est pas très élégant puisque la révélation est juste une page suivante, mais bon, Hop. Alors que vous réveillez vos esprits et revenez au temps présent, vous constatez que vous êtes au centre d'une véritable messe noire en plein cœur de la forêt et qu'une personne humaine que vous connaissez bien va être sacrifiée ou hybridée avec la chair noir qui remonte en suppurant de l'humus. Voilà. Vous prêtez-vous à cet obscur cérémonial, achevant votre allégeance à la voix du bouc. Ou tentez-vous d'y mettre un terme, quoi. Bon, clairement, là j'ai fait une aventure, mais turbo-longue, hein, pour cette histoire d'initiation ouais, 300 mots. Bon. Ça fait 1 minute de lecture. Hein. Bon, je trouve que ça reste très long. Hein. Voilà, j'estime que les voix Korax, c'est quand même un énorme morceau du scénario monde. Donc ça me choque pas non plus d'y consacrer du temps. Parce que je pense que c'est climatique. C'est climatique pour les Korax. Alors, ensuite, il y a d'autres voix. Magie Korax à base de manger des yeux. Magie Korax à base de manger des yeux. Ah, c'est chaud ça, est-ce que j'en fais une voix? C'est un peu bizarre quoi. Quel Korax se gausse des voix philosophiques? Prétendant qu'elles sont toutes dans l'erreur. Cette personne désire vous entraîner sur les vestiges fumants d'un champ de bataille, ayant quelque chose d'étonnant à vous montrer. Si vous la suivez, CF révélation numéro 10. Tiens, on va voir ce qu'on va faire. On va faire CF révélation numéro 9, page XX lien. Pourquoi je mets numéro 9? Parce que comme ça, la 8 et la 9 qui se suivaient, c'était pas très élégant. Donc je vais inverser les numéros. Hop. Sur le charnier, la personne prend une forme humaine à tête de corbeau et gobe les yeux d'un cadavre. Elle s'emplit alors de pouvoir. Elle vous dit. Fais comme moi, pratique la magie oculaire. Quand tu gobe l'œil d'un cadavre. Alors là, faut que je. Ben, on va dire, quand tu gobes l'œil d'un cadavre, qu'est-ce qui peut arriver? Tu accèdes à toute sa mémoire. Tu voles pendant un moment. Comment? Ce qui était la force principale de cette personne, qu'elle fut une guerrière, une mage, une artisane ou une artiste, peux aussi vivre cette passion, cette tristesse, cette colère. Et tu peux même prendre son apparence en plus. Le goût de ses petits globes est délicieux. Comment réagis-tu? Acceptes-tu de verser dans cette magie terriblement addictive? Bon, je pense qu'on va peut-être. Là, ça mérite une petite étoile noire, hein, on est d'accord. Donc, les étoiles noires, je rappelle, c'est. C'est pour noter en fait les éléments qui sont on va dire émotionnellement un peu difficiles quoi. Donc ce qui fait que révélation numéro 9. Hop, on met une étoile noire quoi. Voilà, donc avant de consulter la révélation, on sait que bon, il va se passer un truc un peu darkos, donc on n'est pas obligé d'y aller. Pour le sabbat, je pense que, ouais, effectivement, on va aussi mettre une étoile noire, quoi. Donc, on spoile pas la révélation, mais on sait que il va y avoir des trucs un peu dark. D'ailleurs, bon, ah, ça c'est vraiment dur de s'en rappeler, mais bon, sur ma fameuse voix du bouc là. Je pense que quand même il y a une étoile noire à mettre à un moment. Surtout sur le, on va dire, le truc où. Ouais, sur la révélation numéro 10. Étoile noire. Tac. Ok, alors on retourne sur nos. J'espère que c'est intéressant pour le moment. Je sais rien du tout, c'est sans doute un petit peu lent hein, de voir ma pensée se développer au fur et à mesure. Bon, moi-même j'écris un petit peu moins vite, mais bon, j'écris quand même. C'est pas non plus une catastrophe. Parce que j'avais un peu peur que c'est. Enfin, que d'expliquer mon écriture en même temps que bah, forcément j'allais écrire beaucoup moins vite. C'est pas tout à fait le cas quand même. Corax, comment créer une nouvelle voix? Comment créer une nouvelle voix? Eh bien, on va dire. Peut-être estimez-vous qu'aucune voix philosophique existante ne vous convient, quoi. Existante ne vous convient. Comment vous y prenez-vous pour créer votre propre voix? Propre voix. Réunissez-vous un convent de Corax dissidents? Partez-vous en voyage initiatique à travers la forêt? Je vais mettre CF scénario monde errance page XX lien. Voilà, bah, si tu pars en voyage initiatique, il y a clairement errance ou psylozone, parce que c'est pour avoir des révélations chamaniques et tout, donc ça peut être bien sur ce. Partez-vous en voyage initiatique à travers la forêt ou cherchez-vous à rencontrer une mentor. Voilà, un mentor dissident, quoi. C'est peut-être les fins de. Ah, peut-être estimez-vous qu'aucune voie philosophique existante ne vous convient. Bon, de toute façon, on sait qu'on pouvait les trouver en annexe. Je vais pas renvoyer là. Ouais, je vais mettre CF quand même. Voie. Voie Corax. Lien. On va remettre la table des voix, quoi. Ce qui fait que la personne, elle peut se. Korax, la voie de la conversion. Les Koraks sont des êtres suprêmes. Il faut transformer les autres créatures intelligentes en Koraks, ou au moins certaines d'entre eux, des élus. Alors. Ah oui, c'est ça, la voie de la conversion. C'est une voie qui n'est pas dans la liste de base, la voie de la conversion, je crois pas. C'est une liste que j'ai, c'est une voie que j'ai inventée ensuite. Mais bon, du coup, on va lui quand même lui donner une place équivalente. Donc, on va mettre. Bon bah je pense que là, si un mentor qu'on est vraiment sur cette voie, les Koraks sont des êtres suprêmes. Quel Koraks exerce une fascination particulière sur vous par son raffinement, son érudition, sa grâce ou sa cruauté? Oui, pourquoi pas. Allez-vous au-devant d'elle pour. Non, allez-vous assez devant. Bah, là, à nouveau, c'est compliqué, hein, parce que j'essaye d'avoir une rédaction où on mentionne pas trop les genres, quoi. Donc je vais mettre allez-vous assez devant, voilà, pour en savoir plus sur ses convictions. Si oui, CF, révélation. Numéro 10. Alors bon, ça peut paraître un peu artificiel de mettre des révélations. Vraiment, j'avoue, j'ai vraiment hésité à mettre à la suite en fait ce qui se passait de la rencontre. Et puis, je trouve intéressant que peut-être dans ce truc de voix, on dise non, je vais pas tout de suite à la révélation. Je vais voir, je vais faire quelques rencontrer quelques Koraks particuliers. Et quand il y en a un qui va vraiment me séduire entre guillemets, quoi. Je vais aller à la révélation. Donc voilà, on se permet ce truc-là de un petit peu bac à sable, hein, finalement, quoi. Donc la révélation numéro 11. Ouais, je suis désolé, j'ai une petite voix là, je suis un peu, je sais pas quoi, enrhumé ou quoi. J'espère que c'est pas trop gênant. Je sens que je la voix grave, quoi. Voici le premier enseignement de la voie de la conversion. Les Koraks sont des êtres suprêmes. Alors, votre mentor commence par vous démontrer par le dialogue, la gestion, la corporalité ou la magie, la télépathie, ouais, on va dire. Quelles sont vos propres qualités que vous aviez peut-être ignoré. Ouais, vos propres qualités et votre potentiel. Allez, bon, bah, votre potentialité, on va mettre potentialité. C'est juste parce que j'ai un. J'ai pas envie de faire un accord de proximité là, parce que c'est bon, c'est un petit peu inélégant, je trouve. Du coup, je mets deux féminins comme ça. Bon, je mets ignoré et S. Cette démonstration vous convainc-elle? Parce que on peut avoir le sentiment qu'en fait, cette personne fait un tour de passe-passe, soit parce que vous estimez que votre personnage il a une mauvaise estime de lui, quoi, et dire non, mais oui, tu es en train de me faire un effet Barnum en me disant que j'ai plein de qualités et tout, mais moi je te crois pas, je sais que je suis nul, quoi. Et je te crois pas que les Koraks sont des êtres suprêmes, parce que à commencer par moi, je me trouve pas si suprême que ça, quoi. Il faut transformer les autres int créatures intelligentes en Koraks, ou au moins certains d'entre eux des élus. Alors, je vais commencer par il faut transformer les autres créatures intelligentes en Koraks. Voici le second enseignement. Quelle créature intelligente votre mentor vous emmène voir? Alors normalement il faudrait dire vous emmène-t-il tel voir à nouveau pour des questions de neutralité. Je fais une faute volontaire, c'est-à-dire je mets votre mentor vous emmène voir. On comprend quand même et puis ça m'évite d'avoir à trop insister sur le genre. Donc quelle créature intelligente votre mentor vous emmène voir? À quelle scène assistez-vous? Trouvez-vous que votre mentor fait preuve d'admiration ou de condescendance à l'égard de ces créatures, quoi. Hop. Voilà, donc on se positionne un peu par rapport au mentor, quoi. Et je vais mettre, voici le troisième enseignement qui est un peu. N'est-il pas certain que nous pouvons ou devons transformer toutes les autres créatures intelligentes en Korax. Mais au moins, devons-nous le faire avec certains d'entre eux, virgule des élus. Fin. Et donc, quelle créature intelligente votre mentor vous emmène-t-il voir? Quelle créature élue, hein, on va mettre. Quelle créature élue votre mentor vous emmène-t-il voir? Ah, vous emmène voir. Vous. Votre mentor vous montre comment la transformer en Korax. La créature est-elle consentante ou non? Comment se passe la métamorphose? Y participez-vous finalement, quoi, hein, voilà. Et voilà, donc là on a. Bah, je trouve que c'est un peu plus élégant, voilà. C'est plus élégant d'avoir justement tout ce chemin en quatre étapes, hein, finalement, pour être initié aux différentes voies. On a vraiment toute une petite aventure et j'estime qu'on ne se ferme pas la porte, c'est-à-dire que quand on a fini l'aventure, on peut très bien dire, ouais, ok, à l'issue de ton enseignement, moi j'estime que par exemple la voie de la conversion, c'est de la D, je veux pas rentrer là-dedans, peut-être même que je vais lutter contre toi et du coup on peut retourner au début de l'acte et faire d'autres rencontres. Donc j'ai envie de dire que cet acte-là des voix Korax peut presque être une mini-campagne, quoi, à ce stade-là. Ou en tout cas, un gros scénario, effectivement, où on va un peu explorer toutes les voies, il y a quand même de quoi faire, quoi. Consentante. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'avoue que je serais vraiment, vraiment curieux d'avoir quelques commentaires, savoir si ça vous intéresse. J'ai rarement, j'avoue que j'ai quand même très, très peu de commentaires à mes productions. Donc des fois, je me demande si c'est écouté et si ça plaît, tout simplement. Je voudrais pas m'engager dans une longue série de podcasts écriture. Bah voilà, si ça n'intéresse personne, tout simplement, quoi. Donc, s'il vous plaît, juste s'il y avait au moins une ou deux personnes qui pouvaient me faire des retours. Je sais que c'est toujours compliqué de faire des retours au podcast, mais voilà. Petite bouteille à la mer. Merci en tout cas. Bon, ça m'a quand même beaucoup plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.